Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. Deuxième épisode, Sherifa. En 1995, après être passée à Malaga, où est enterrée Jane Bowles, écrivain qu'elle admire, Amanda, jeune femme venue de Paris pour rencontrer les lieux et ceux qui l'ont connue, en vue d'écrire un texte, est à Tanger. Elle interroge Paul Bowles, écrivain aussi, âgé cette année-là de 85 ans. Il lui raconte ses souvenirs loufoques de cette femme qu'il aimait. Amanda pense beaucoup à Irène, avec qui elle partageait sa vie il y a quelques années et qui lui fit découvrir Jane. Elle se remémore cette chanson, « La main de ma sœur dans la mienne »,« My sister's hand in mine ». I dreamt I climbed upon a cliff, my sister's hand in mine. J'ai rêvé que j'avais escaladé une falaise, la main de ma sœur dans la mienne. A girl ran down a mountainside. Une jeune fille a descendu la montagne en courant, with bluebells in her hat, avec des myrtilles dans son chapeau. Ce que j'ai découvert à Tanger, c'est qu'il y a deux Tangers. La ville internationale, avec le quartier des ambassades, des restaurants et hôtels pour Européens et Américains, où habitaient les Bowles, et puis la Médina, avec le grand et le petit Soko, ses marchés, cœur battant de la ville arabe, comme disaient les Européens. C'était au grand Soko que Jane avait rencontré Sherifa. Sherifa, son âme noire, le pire de son pire, la dernière femme que Jane avait aimée, une femme de la campagne tangéroise, qui ne ressemblait à aucune femme que Jane avait connue, connaissait. Le grand Soko, on y arrivait par la rue du Soko, artère principale de la Médina, en pente, interdite aux voitures. La rue était longée de restaurants et de boutiques qui envahissaient les trottoirs. Des attroupements d'enfants se pressaient autour des marchands de beignets à la fleur d'oranger. Ça sentait aussi le henné chaud, la menthe fraîche et le sang. I asked the valet for a name. J'ai demandé à la valet son nom. But wakened not yet knowing if the name she bore was my sister's name or if it was my own. Mais je me suis réveillée avant de savoir si le nom qu'elle portait était celui de ma sœur ou le mien. Je logeais à l'hôtel Continental, aux portes de la Médina, pas très loin de l'artère du Soko, à la frontière des deux mondes, l'européen et l'autre, plus étrange pour moi. C'était Robert Briatt, le biographe de Paul Bowles, qui m'avait conseillé l'hôtel Continental. Un bâtiment blanc, colonial, années 40, avec son architecture, ses peintures, tapisseries et meubles d'origine. Il donnait sur des entrepôts qui eux-mêmes dominaient le port. C'était lugubre et beau à la fois. Je regrettais qu'Irène ne soit pas avec moi. Elle aurait adoré l'hôtel Continental. Et surtout ses meubles années 40, complètement déglingués. En 1995, Paul Bowles habitait toujours le quartier européen de Tanger, dans cet immeuble modeste où Jane vivait aussi, occupant un appartement en dessous du sien, avec, planté à l'entrée de la résidence délabrée, un arbre incroyable, aux fleurs immenses, rouges et jaunes, en forme de trompette. Là, j'avais rencontré un revenant de 85 ans, Paul Bowles, un revenant du temps où Jane Bowles vivait encore et aimait Tanger. Et maintenant, j'aimerais parler de Jane Bowles à Tanger, ici. Elle est venue vivre ici parce que vous, vous viviez déjà à Tanger. Elle est venue vous rejoindre. Oui. Est-ce qu'elle aimait Tanger autant que vous ou est-ce qu'elle était plus que moi. Moi, je n'aimais pas Tanger tellement. Genre, moi, j'aimais Fès. Mais elle disait toujours, je ne pourrais jamais vivre à Fès. Parce que ça lui donnait un peu de... Encore un mot qui m'échappe. La claustrophobie, oui. C'est compréhensible. Vous connaissez Fès? Non, moi je ne suis pas allée. Non, pas encore. Tanger est plutôt comme une ville européenne, tandis que Fès n'a rien d'européen. Pas la Médina. La ville nouvelle n'est que trop européenne. J'ai lu aussi dans la biographie de Millicent Dillon que je crois que c'est vous qui disiez que Jane Bowles avait été juive et qu'elle retrouvait dans l'ambiance des Marocains l'ambiance familiale des Juifs. Oui, elle disait ça toujours. Moi, je ne vois pas. C'est curieux. J'ai connu sa famille et c'était des gens impossibles. Toujours en train de s'insulter. Tous. Mais c'était des femmes, tous. Les hommes se sont suicidés. Oui. Mais les femmes, non. À Tanger, ce qui me frappait dans les salons de thé où l'on prenait des pâtisseries orientales et du thé vert à la menthe aux pignons grillés, c'était justement ces femmes, ces groupes de femmes réunies, toutes générations confondues, pour parler ensemble, sans fin. Elles étaient toutes là, les grands-mères, les mères, les filles, les tantes, les cousines, toutes ces femmes qui faisaient clan et se vivaient comme telles. Les plus âgées étaient massives et tenaient la parole sans la lâcher. Les plus jeunes, réservées, écoutaient. Quand j'entrais, ces femmes me jetaient un bref coup d'œil sans cesser de parler entre elles. J'avais l'impression que je n'existais pas vraiment pour elles, que je ne cadrais pas avec leur réalité. J'étais transparente. Comment Jane avait-elle fait pour exister pour ces femmes, pour vivre avec elles, devenir une parmi elles? Cela me semblait impossible. Pourtant, elle y était arrivée. Mais Jane, les mères, les tantes, les cousines, elle connaissait bien. Justement, vous parliez d'un univers très féminin de la famille de Jane, sa mère, ses tantes. Il semblait qu'elle retrouvait ici cet univers féminin, qu'elle vivait avec beaucoup de femmes et qu'elle préférait la compagnie des femmes que des hommes. Je pense à un autre extrait. Dans Deux dames sérieuses, Jane Bowles fait dire à Pacifica qu'elle préfère la compagnie des femmes à celle des hommes. Est-ce que Jane était aussi comme ça, entourée de femmes, vivant avec des femmes et préférant la compagnie des femmes à celle des hommes? Non, elle aimait beaucoup les hommes, mais elle aimait être avec eux, parler avec eux. Je crois qu'elle se sentait plus à l'aise avec les femmes, oui. Mais elle avait un cerveau, un esprit, une mentalité. Oui, une mentalité, oui. Assez masculin. Elle considérait les choses du point de vue objectif. Mais quand vous dites qu'elle avait un esprit masculin, c'est dans le sens de décider des choses ou entreprendre des choses, ou dans quel sens vous dites qu'elle avait un esprit masculin? D'être objective, de considérer les choses d'un point de vue objectif, sans émotion. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que Paul voulait dire. Jane semblait tellement soumise à ses émotions. Mais ce n'est pas de cela dont parlait Paul. Je crois qu'il parlait du fait que, justement, elle savait très bien où elle en était, même lorsqu'elle a commencé à aller mal, et tout au long de sa maladie aussi. Elle posait sur sa vie un regard extra-lucide qui la faisait mourir. Always good, who lives À l'époque où l'on partageait le même appartement, Irène redoutait la folie et le sida. Elle avait réussi à me refiler ses peurs, mais aussi son goût immodéré pour les écrits de Jane Bowles. J'avais lu dans la même semaine son œuvre complète, un seul roman, Deux dames sérieuses, un seul recueil de nouvelles, Plaisir paisible, et une unique pièce de théâtre, In the Summer House. J'oublie Stelle, un fascicule à la couverture mauve qui rassemble quelques textes inachevés de Jane. Irène, après bien des recherches, l'avait trouvé dans une librairie franco-américaine à Paris. Elle y tenait plus que tout. Elle ne voulait même pas que je le photocopie, par crainte que je l'abîme. Paul a fini par donner son autorisation pour la publication de nouvelles inachevées, rassemblées sous le titre de Señorita Córdoba. Irène trouvait que c'était dommage d'avoir publié ces textes en l'état. Pourtant, certains nous ont beaucoup plu. Particulièrement la nouvelle « Partir pour le Massachusetts », où un trio de femmes, amoureuses les unes des autres, boivent force whisky et devisent sur leurs existences respectives. Je croyais y reconnaître les amies d'Irène. Irène avait toutes sortes d'amies étranges, plus toquées les unes que les autres, et qu'elle adorait. Elle aimait beaucoup s'entourer de ces femmes un peu fêlées, de toutes ces femmes auxquelles on avait tellement peur de ressembler plus tard et qui nous fascinaient. À Tanger, j'avais bien remarqué qu'il y en avait aussi des femmes comme ça. J'en avais vu au salon de thé, plusieurs. Je continue à aimer Tanger. Peut-être parce que j'ai le sentiment d'être au bord de quelque chose que je pénétrerai un jour. Je n'éprouverais pas cela si je ne connaissais pas Chérifa, la gouine de la montagne et la vilaine petite olivâtre. Tatum a son amie Zodélia et Chérifa est folle de Boussif. Cela m'ennuie plus du tout parce que je suis amoureuse folle de Tetum. Une situation sans espoir, désespérée. Je me sens une sorte de fièvre et je me demande si elle ne m'a pas donné un gris-gris à avaler, un gris-gris confectionné tout exprès pour les Européens et qui les pousse à donner tout ce qu'ils possèdent. Heureusement, je me retiens. Paul ne m'avait pas dit grand-chose sur ces femmes tangéroises avec qui vivait Jane et peu sur Chérifa, la Chérifa du début, celle de la rencontre. Je suis allée voir Isabelle et Florence Girofi, les deux anciennes propriétaires de la librairie Les Colonnes à Tanger, amies de Jane et de Paul Bowles. Auprès d'elles, j'espérais apprendre quelque chose de Jane et des femmes, de Jane et de Chérifa. D'abord amoureuse. Amoureuse des gens les plus ahurissants qui soient. Par exemple, son médecin. Qui est une dame très, très, très bourgeoise, très conventionnelle. Et Jane était la bouche ouverte devant Madame Roux. Puis, il y a aussi la princesse Ruspoldy, dont vous avez entendu parler. La princesse, elle est morte il y a quelques années maintenant. Jane était très envoûtée par la princesse Ruspoldy. Ça a duré. Qui était très charmante et amusante. Oh, ce n'était pas étonnant. Et c'est d'ailleurs la princesse Ruspoldy qui a débarrassé les Bowles de Chérifa. De Chérifa. C'est elle qui a balayé Chérifa. Et il était attiré par les gens... bourgeois d'un côté, comme Madame Roux, et d'autre part par les gens hors normes, comme des prostituées. Des gens de prostituées, ou presque, enfin. Florence et Isabelle Girofi habitaient le même quartier que les Bowles, le quartier de l'hôtel Itessa, près du Gita's Bar, ce petit bar pas très bien famé, où Jane allait avec Chérifa. Je ne l'avais pas trouvé. En revanche, j'en avais vu un autre du même genre, qu'elle fréquentait aussi. Le bar Parade, fermé également. Sur l'un de ces murs délabrés, il y avait un écriteau « À vendre ». Et au-dessus de la porte, on pouvait encore lire, à moitié effacé, « Bar Parade ». Avec Irène, ça nous touchait beaucoup de penser que Jane, qui avait tant de mal à retenir quoi que ce soit, avait fait des efforts démesurés pour apprendre l'arabe et parler avec Chérifa dans sa langue maternelle. En lisant tout ce qu'on trouvait sur Jane, on avait découvert que Chérifa buvait et prenait du majoun, drogue locale faite à base de haschich. Que Jane buvait aussi, prenait du majoun et absorbait les neuroleptiques que lui administraient ses médecins. Irène avait découvert, dans l'abondante correspondance de Jane, quelques lettres où elle parle de sa vie sexuelle très pauvre avec Chérifa. Elle écrit n'avoir eu de relations physiques que 3 ou 4 fois avec elle. Irène disait que c'était la violence de Chérifa qui maintenait Jane en son pouvoir et l'attachait à elle. Elle n'hésitait pas à parler du côté masochiste de Jane. Moi, je trouvais qu'elle exagérait, jusqu'au jour où quelqu'un, qui me défend de le nommer, m'a affirmé que Chérifa battait Jane. Pour Jane, l'américaine, Chérifa, la marocaine, avait un caractère exotique qui l'intriguait au début de leur rencontre, l'amusait, la nourrissait aussi, avant qu'il en fût autrement. Elle en fit même le personnage principal de Tout est bon. L'autre personnage de la nouvelle s'appelle Jenny. C'est comme ça qu'Isabelle et Florence Girofi nommaient Jane Bowles lorsqu'elles parlaient d'elle. Jenny. Une porte s'ouvre. Jenny suit Odélia. Elle traverse un espace vide, large, sonore, en pierre. Elle rejoigne un groupe de 6 à 8 femmes assises sur un tapis et des matelas. Assieds-toi. C'est bon ici? C'est bon? Celle-ci, c'était tout. Tout. Cette chrétienne passe la moitié de son temps dans une maison musulmane avec des amies musulmanes. Et l'autre moitié dans un hôtel chrétien avec des chrétiens. C'est bien. C'est bien. Moitié avec des amies musulmanes, moitié avec des chrétiens. Pourquoi passe-t-elle la moitié de son temps avec des amies musulmanes et l'autre avec des chrétiens? Je sais pas. Est-elle folle? Non, elle n'est pas folle. Où est votre mari? Il voyage dans le désert. Pour vendre des choses. Et votre mère, où est-elle? Ma mère est dans notre pays, dans sa maison. Pourquoi n'allez-vous pas vivre avec votre mère dans sa maison? L'hôtel coûte très cher. Dans la ville où je suis née, il y a beaucoup, beaucoup d'automobiles et beaucoup, beaucoup de camions. C'est vrai? Je déteste les camions. Les camions, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Les camions, c'est bon. C'est très bon. Est-ce que vous, vous aimez les camions? Oui. Les camions sont bons. Ils sont très bons. Tout est bon. La vérité. Tout est bon. Recueil plaisir paisible. Nouvelle, tout est bon. C'était « Au pays de Jane Bowles », un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. Avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Christophe Pellet, Geneviève Crouzet, Pejria Deliba, Marie Furnari, Sophie Bourrel, Catherine Benamou, Dominique Lacarrière, Chloé Réjon et les voix de Paul Bowles, Isabelle et Florence Girofi. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taroni.